Aujourd'hui, on parle des limites planétaires. Avec moi, Dolores, 24 ans, étudiante en climat à Montréal et militante. Salut, tu peux nous expliquer ce que c'est ? Salut ! Ce sont 9 seuils qu'on ne doit pas franchir si on veut que la Terre reste habitable pour nous. Climat, biodiversité, eau douce, sol, pollution chimique, cycle des nutriments, ça forme une sorte de tableau de bord de la planète. Et aujourd'hui, il est comment ce tableau de bord ? Ah, pas top. En 2023, 6 limites sur 9 sont déjà dépassées. Le climat s'emballe, la biodiversité s'effondre, les sols disparaissent et la pollution chimique est hors de contrôle. Et ça veut dire quoi concrètement ? Que si on continue comme ça, on risque des basculements irréversibles, des points de non-retour. Mais ce n'est pas foutu. Certaines limites sont encore gérables, comme l'eau douce ou l'acidification des océans. Donc on a encore une chance. Oui, mais il faut agir vite. Réduire les émissions, protéger les écosystèmes, revoir nos modes de vie et surtout, comprendre, parler, voter, s'engager. Toi, t'as l'air inquiète. Mais t'y crois encore ? Je suis lucide, mais oui, j'y crois. Parce que ce cadre, ses limites, c'est pas une punition, c'est une boussole. Tant qu'on l'écoute, on peut encore construire un avenir vivable et juste. Un dernier mot ? Oui, il est encore temps, mais faut pas attendre que quelqu'un d'autre le fasse à notre place.